Wisborg, 24 avril 1838. La santé d'Hélène est de plus en plus fâcheuse. Je ne la quitte pas un instant, sauf aux heures où je travaille. C'est pourquoi je n'ai rien inscrit sur ce cahier depuis une dizaine de jours. Hélène a peur. Peur de quoi? Elle croit toujours entendre des pas dans la maison. Elle redoute toujours de voir entrer dans la pièce où elle se trouve un être fantastique, qu'elle ne peut pas me décrire. Ces terreurs ont gagné ma belle-sœur et j'avoue que moi-même, depuis que mes nerfs ont été si ébranlés au château d'Orlok, je suis aussi sensible à l'effroi de ma pauvre Hélène. Il y a les heures où je prête l'oreille avec elle au moindre bruit. Pourtant, qu'avons-nous à craindre? Le printemps est là maintenant. Nous le respirons dans notre jardin. La saison est belle. Il fait doux ce soir, si doux, qu'on a envie d'embrasser la terre pour la remercier d'être si bonne et qu'on voudrait lancer des baisers au ciel.